crache à la gueule de tous mes ennemis. Comme un parzi, je triple peste depuis cette fille. Peu importe que ces mecs m'agressent ou m'adulent. Les alcooliques au bistrot, je les encule. Car quand je rentre chez moi, j'ai deux sublimes yeux verts qui m'attendent à la maison. Et je les aime, oui je l'aime. Chérie, je triple peste depuis toi. Que ce soit un pauvre hippie punk qui veut débattre, que ce soit un connard d'étudiant qui veut se battre, que ce soit une de mes salopes d'ex qui me sourit, ce n'est pas avec eux que je finirai ma nuit. Car quand je rentre chez moi, j'ai deux sublimes yeux verts qui m'attendent à la maison. Et je les aime, oui je l'aime. Chérie, je triple peste depuis toi. J'irai bien à la manif de la CNT, mais tu me retiens et tu sais que j'aime ça bébé. Oui, plus tu me souris, plus j'emmerde tous ces cons. Depuis toi, c'est mon orgueil qui ne tombe plus rond. Car quand je rentre chez moi, j'ai deux sublimes yeux verts qui m'attendent à la maison. Et je les aime, oui je l'aime. Chérie, je triple peste depuis toi. Chérie, je triple pèse depuis toi.